Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est le héros malheureux de l'indépendance écossaise qu'évoque aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Dans la longue série des perdants de l'histoire, ceux que les anglo-saxons appellent les losers, Bonnie Prince Charlie vient sans aucun doute en bonne position. Nous allons mesurer cet après-midi les conséquences de son excessive ambition. Et vous avez convié à nous rejoindre Nathalie Genet-Rouffiac, qui est conservateur général du patrimoine au ministère des Armées. Oui, Nathalie Genet-Rouffiac travaille depuis de nombreuses années sur l'histoire du jacobitisme et en particulier sur l'exil jacobite en France. Nous y viendrons tout à l'heure. Nous aurons aussi au téléphone Thomas Drelon, qui est le biographe de Bonnie Prince Charlie. Et puis Lorena Martin nous amènera en fin d'émission sur un certain nombre de lieux de mémoire en Écosse. Oui, notamment sur le site de la bataille de Culloden. Et pour rester sous le règne de Louis XV, j'en reviendrai quant à moi sur l'expression que la tradition met dans la bouche de Madame de Pompadour « Après nous, le déluge ». Ce qu'aurait pu dire notre héros du jour. Quand on s'attarde un peu dans les boutiques de divers sites historiques d'Écosse, hein, quand vous allez sur les champs de bataille, dans les musées, les châteaux, un nom revient sur les bibelots, dans les livres qu'on propose aux touristes, un nom qui en général ne dit pas grand-chose aux Français, Bonnie Prince Charlie. Dommage qu'ils ne disent pas grand-chose, ce surnom un peu étrange, car il signifie le valeureux prince Charles. Il cache en vérité un des personnages les plus étonnants du XVIIIe siècle. Ce contemporain de Louis XV est le descendant d'une des familles les plus éminentes d'Europe, la lignée écossaise des Stuart, qui compte dans ses rangs Marie Stuart, reine de France et d'Écosse au XVIe siècle, bien entendu, Jacques Ier et Charles Ier, les rois d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse au XVIIe siècle. Rappelez-vous ce qui était arrivé à Charles Ier, nous l'avons raconté il n'y a pas si longtemps à ce micro. Mais au XVIIIe siècle, après les révolutions anglaises, cette famille n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses membres qui ont embrassé le catholicisme et une certaine idée de la monarchie, ces membres ont été chassés de leur trône britannique au pluriel. C'est désormais Georges Ier, donc alors lui c'est un Hanovre, hein, c'est un cousin allemand qui règne à Londres. Il n'empêche, quand Charles-Édouard, donc notre futur Bonnie Prince Charlie, quand Charles-Édouard voit le jour en 1720, son père est exilé à Rome. Son père, c'est Jacques III Stuart. Il affirme toujours être le roi légitime. Il garde d'ailleurs des partisans, les Jacobites, qui sont dispersés un petit peu partout, dans les îles britanniques, mais aussi sur le continent, à travers toute l'Europe. Lui, notre Jacques, n'a peut-être plus l'énergie de repartir à la conquête de son trône usurpé, mais son fils saura peut-être réussir là où Jacques a échoué. Charles-Édouard a beau grandir au cœur de Rome, dans le palais Muti, il est éduqué tel qu'un prince britannique, comme son petit frère Henri d'ailleurs. C'est un enfant en bonne santé, même d'une énergie difficile à canaliser. Il est capable de terribles colères, c'est un garçon imprévisible. Un jour, alors qu'il doit s'agenouiller devant le pape, ce qui est un petit peu la moindre des choses, c'est le protecteur de la famille, n'est-ce pas? Il renâcle de manière assez choquante. Charles-Édouard compense son mauvais caractère par un esprit volontaire, par un don de séduction qui est tout à fait évident. Adolescent, il devient grand et élancé. Il a de beaux yeux clairs, les cheveux châtains qui tirent sur le roux. Il est porté vers l'action, vers l'aventure. Les circonstances ne tardent pas à l'exaucer, puisqu'en 1733, la guerre de succession de Pologne éclate et que son cousin, le duc de Liria, est envoyé par l'Espagne pour reprendre le royaume de Naples aux Autrichiens. Et il va proposer à Charles-Édouard, qui n'a pas encore 14 ans à l'époque, de participer à la campagne. Son père, le pape aussi, adhèrent au projet, bien leur en prend. L'expédition est un succès, même un grand succès. Le jeune prince Stuart se révèle là des qualités vraiment prometteuses. Voilà ce que nous raconte Michel Duchien. Pendant le siège de Gaète, Charles-Édouard a fait preuve de courage et d'ardeur. Liria, enchantée, déclare qu'il est, je cite, « la preuve que dans les héros la valeur n'attend pas le nombre des années ». À Rome, c'est l'enthousiasme et l'espion anglais Walton constate avec inquiétude que, je cite, « ce jeune homme sera pour le gouvernement hanovrien un adversaire beaucoup plus dangereux que son père ». Qu'on se le dise, il y a de nouveau un prétendant Stuart, si vous voulez. Charles-Édouard va redorer le blason de la famille, il en est convaincu. Il va quand même lui falloir attendre un petit peu pour aller se battre pour les droits de la famille. L'occasion lui est fournie dans les années 1740, par la guerre de succession d'Autriche qui voit la France, alliée à la Prusse à l'époque, s'opposer à l'Autriche et à l'Angleterre. Or, pour contrer l'Angleterre, il pourrait être utile, n'est-ce pas, d'aller favoriser quelques troubles outre-Manche. Les Jacobites font d'ailleurs des appels du pied au roi de France pour qu'il vienne à leur aide. Louis XV va confier à son bras armé, au maréchal de Saxe, un projet de débarquement en Angleterre. On l'a oublié, ce débarquement de Louis XV qui a été programmé. Ça a été une affaire considérable. Tout se met en place en 1744. Une escadre, des milliers de soldats qu'on mobilise. Et bien sûr, pour participer à tout ça, on sollicite les Stuarts. Jacques III, on l'a dit, n'est plus vraiment très enclin à ce genre d'aventure. Il a déjà tenté quelque chose de comparable en 1715, qui s'est soldé par un fiasco absolument humiliant. En revanche, notre Charles-Édouard, là, qui maintenant a 23 ans, lui est très motivé. Son père l'envoie donc vers la France avec le titre de régent. En partant, le prince dit à son père « Je vais conquérir trois couronnes que j'ai bon espoir de déposer aux pieds de votre majesté. Si j'échoue dans mon entreprise, vous me verrez revenir dans mon cercueil. » Il faut être discret dans cette affaire. Hein. Les Anglais sont évidemment sur le qui-vive. Donc le prince va quitter Rome comme s'il allait participer à une chasse. Et puis il change d'itinéraire. Il prend la direction du Nord, la direction du Royaume de France. Un bateau, des voitures et quelques étapes plus tard, le voilà dans la région de Dunkerque. Il ne lui reste plus qu'à se cacher en attendant que les bateaux de Maurice de Saxe, des bateaux qui sont partis de Brest, viennent le rejoindre. On peut imaginer l'excitation du prince qui est si près de l'Angleterre, si près du but. Sauf que l'escadre espérée est prise en chemin dans des vents contraires, des eaux déchaînées, beaucoup de dégâts dans cette affaire. Les autorités françaises décident au dernier moment d'annuler l'expédition. On pourrait faire une histoire de tous les débarquements français manqués en Angleterre. Hein. Il y en a eu quand même un certain nombre. James McTiernan nous dit « Charles-Édouard est moins déçu que fou furieux et l'objet de sa colère ne sont pas les éléments, mais les hommes. Il avait investi dans cette entreprise d'Angleterre tous ses rêves, tous ses espoirs et ressent son annulation comme un affront personnel. Il se sent trahi. » Et, entre nous soit dit, il a peut-être pas tellement tort, parce qu'à Versailles, on n'avait pas tellement envie d'aller jusqu'au bout de cette expédition. Il y a pas mal des ministres de Louis XV qui se méfient beaucoup de ce Charles-Édouard, qui a l'air vraiment très incontrôlable. Bref, le prince, de son côté, n'abandonne pas, même si c'est à lui de lancer le mouvement, il va aller les chercher, ces couronnes. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de suivre les aventures de Charles-Édouard Stuart, alias Bonnie Prince Charlie. Sa famille a perdu les trônes d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse, mais les Stuart ne veulent pas en rester là. Ils entendent se battre pour leurs droits. Vous avez évoqué là, en première partie, leurs partisans, les Jacobites. Concrètement, quelle force représentent les Jacobites dans les îles britanniques? Disons que pour les nouveaux rois à Nover, hein, pour Georges Ier, pour Georges II, qui sont eux encore très allemands et qui ont du mal à susciter l'adhésion de leur peuple, c'est une menace, incontestablement. Disons-le clairement, en Angleterre, les forces Jacobites sont vraiment très réduites, bien plus que ne le croient les Stuarts, d'ailleurs. Hein. Enfin, nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité. Il faut dire que leur catholicisme n'est pas forcément bien vu dans une grande partie de la population, devenue depuis longtemps maintenant anglicane. Et puis, en Écosse, alors là, en Écosse, c'est différent. Ils ont des attaches, surtout, ils peuvent tirer parti, comme le relève Jean-Pierre Poussou, de l'esprit traditionnel d'insubordination des Highlands et des mécontentements successifs suscités par la politique du gouvernement de Londres vis-à-vis de l'Écosse. Il faut rappeler que depuis le traité d'union de 1707, l'Angleterre et l'Écosse ne forment bien sûr qu'un seul et même royaume. Ça a tout changé, ça, évidemment. Charles-Édouard comprend que l'Écosse est la clé pour s'ouvrir les portes de ce qu'il considère lui comme ses royaumes, des démonstrations, ou en tout cas ceux de son père, ses démonstrations de fidélité, toutes sortes d'appels lui en parviennent, on l'appelle à l'aide si vous voulez, hein, ce jeune héros. Il en est sûr, même si pour l'instant les Français l'ont lâché, il y a une carte à jouer, il y a une étincelle à faire jaillir là-bas, sur place. Il ne perd pas de temps. Avec un certain nombre de membres de ce qu'on pourrait appeler la diaspora jacobite, il rassemble de nombreuses armes et il prépare son propre débarquement. Alors évidemment, nettement plus modeste que ce qui était prévu du temps où le roi de France était dans la partie. Et pour cause. Le 5 juillet 1745, il n'a que 7 camarades autour de lui. C'est sur le bateau qui quitte l'estuaire de la Loire. Quant au second bateau qui part, il fait une mauvaise rencontre avec une embarcation anglaise et il doit renoncer. Charles-Édouard, lui, atteint l'île d'Erixey, on est dans les Hébrides, au nord-ouest de l'Écosse, hein, tout à fait là-haut. On n'attendait pas vraiment son débarquement, mais enfin très vite, le bruit de son arrivée va se répandre de village en village, de clan en clan. Un certain nombre de chefs sont quand même circonspects, ils craignent les risques d'une révolte mal préparée, qui ne serait pas soutenue par une véritable armée, en l'occurrence française. Le prince Stuart va essuyer des refus, mais sa personnalité continue à faire merveille, si vous voulez. Il a ce charisme incroyable, il manque d'expérience, mais il convainc un certain nombre de personnages clés. Il va aussi être aidé par de solides guerriers écossais, des troupes s'organisent, tant bien que mal. Les Jacobites progressent à travers l'Écosse, on voit tomber un certain nombre de places, et là les ralliements se font, vous savez, c'est toujours la même histoire. Charles-Édouard et ses alliés savent qu'il faut avancer vite tant que Londres n'est pas vraiment inquiète, tant qu'on a sous-estimé le danger du côté du roi d'Angleterre. Pourquoi pas tant qu'à faire, filer carrément vers Édimbourg, fondre sur la place. Avec détermination, les Jacobites filent donc vers la capitale écossaise qui va tomber comme un fruit mûr dès septembre. Charles-Édouard entre en triomphe au palais de Holyrood, nous dit Michel Duchin, vêtu du costume national et coiffé du béret bleu à cocarde blanche, entouré de l'élite de la noblesse écossaise et de 10 000 Highlanders. Seul le château d'Édimbourg, la vieille forteresse médiévale, résiste, fidèle au gouvernement hanovrien. Mais la ville, d'abord inquiète, se rallie au jeune prince qui tient sa cour à Holyrood avec une grâce, avec un charme qui lui gagne tous les cœurs, féminins entre autres. Dans la foulée, le prince remporte une jolie bataille face à une armée anglaise. Il s'ouvre des perspectives, il a de l'ambition, hein, ce garçon. L'ambition un peu folle quand même d'aller jusqu'à Londres. Il voudrait attaquer Londres, et ça c'est complètement déraisonnable. C'est très courageux en même temps. Le plan est fraîchement accueilli par une partie de son entourage, mais Charles-Édouard obtient gain de cause, quitte à en passer par des compromis. Quelques renforts français finissent par arriver, ce qui le conforte dans son idée, mais il ne peut ignorer qu'une aide beaucoup plus importante de Louis XV serait indispensable à son entreprise. Et cette aide, il faut qu'elle arrive vite. Les Jacobites s'inscrivent d'abord dans ce qu'on pourrait appeler une belle dynamique. L'armée pénètre loin jusqu'en Angleterre, elle va jusqu'au Derbyshire, ce qui fait que Londres, là, n'est plus si loin. Mais on sait bien que le duc de Cumberland, le fils de George II, est en train de mettre sur pied une contre-offensive avec des troupes rapatriées d'urgence depuis les champs de bataille continentaux. Les chefs jacobites constatent le peu d'entrain que leur cause peut susciter en Angleterre. Le grand débarquement français, celui qu'on attend, celui qui pourrait tout renverser, ne vient pas. Et là, quand même, les Jacobites s'effraient. Ils pressent Charles-Édouard de renoncer à Londres, de s'en tenir aux acquis écossais, ce qui serait déjà pas mal. Le prince Stuart s'insurge face à ce qu'il voit comme de la lâcheté. Il s'irrite, il crie à la trahison. Il n'y a rien à faire. Il faut abandonner son plan. Il faut abandonner son rêve. Il faut reprendre la route du Nord et essayer de consolider les acquis écossais. Et voilà comment l'armée jacobite se retrouve à Glasgow au début de l'hiver. À cette occasion, Bonnie Prince Charlie se distrait de sa déception par une brève histoire d'amour avec une jeune écossaise, Clémentine Walkinshaw. Le prince se montre plus impérieux, plus nerveux aussi. Ses troupes ont beau battre une nouvelle fois une armée anglaise à Falkirk. Tout le monde sait bien que Cumberland ne va pas tarder à entrer en Écosse. Et là, ça va être une autre histoire, bien entendu. Et c'est à ce moment-là que le moment de vérité aura lieu. L'opposition décisive entre ce prétendant Stuart, qui a quand même très bien manœuvré jusqu'ici, et puis la famille de Hanovre, qui elle règne à Londres. D'ailleurs, ce sont deux prétendants, ce sont deux fils qui vont se battre, hein, Cumberland d'un côté et Bonnie de l'autre. Il faut attendre le début du printemps 46. Cumberland va chercher l'armée jacobite carrément là où elle se trouve, hein, sur les terres du Nord. Le premier combat près d'Inverness se présente mal. Le champ de bataille s'appelle Culloden, vous le connaissez évidemment, c'est très célèbre ça. L'ambiance est très tendue, le prince Stuart refuse tout repli stratégique. Le choc va être brutal, rapide et disons-le, pour les jacobites, c'est le carnage tel qu'ils l'imaginaient dans leur pire cauchemar. Le champ de bataille gorgé d'eau va bientôt se retrouver jonché de cadavres. C'en est fini des espoirs jacobites, de ce que certains vont désormais appeler la chimère jacobite. Le prince a mal géré la confrontation, il a fait des paris hasardeux. Alors lui ne s'est pas fait capturer, mais il est recherché par les Anglais, bien entendu, qui sont prêts à scruter chaque pan des Highlands pour mettre la main sur ce dangereux personnage. On peut dire que maintenant, la chasse à l'homme est ouverte. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous nous emmenez cet après-midi, Franck Ferrand, sur les pas de Charles-Édouard Stuart, le prince Bonnie Charlie. Alors on découvre effectivement sa quête pour récupérer les trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, mais ça se passe très mal face au prince de Hanovre. Oui, il est dans une situation terrible, ce jeune prétendant, condamné à se terrer dans les landes et les montagnes écossaises. Les hommes du duc de Cumberland sont partout, mènent une véritable campagne punitive avec une violence difficilement imaginable. À tout moment, ils sont là, qui peuvent surgir. Il y a une série télé en ce moment d'ailleurs qui raconte tout ça. Le prince sait qu'il doit se méfier de tous. Il lui faut changer encore et encore et toujours de cachette. Ce prince élevé dans le confort d'un palais romain, nous dit Michel Duchin, ce prince fait preuve d'une endurance, d'une énergie qui stupéfie ses compagnons. Il dort à la dure sur des paillasses ou des rochers. Il mange du saumon pêché dans les torrents, des oiseaux de mer, des coquillages, de la bouillie d'orge. Quand il en a l'occasion, il boit sec. Il en gardera malheureusement l'habitude. Ses vêtements tombent en loques, il ne se rase pas. Parfois, on le prend même pour un voleur de chevaux. Il va bénéficier de soutiens locaux, notamment une jolie jeune fille, Flora MacDonald, va l'aider à se sortir d'une situation délicate. Elle va carrément le faire passer pour sa servante écossaise. Vous imaginez, il faut déguiser Charlie en servante. Dans ces épreuves, on peut dire que c'est une légende qui est en train de s'écrire. On le voit un à un déjouer les pièges de ses ennemis et fuir, parce que c'est ça la réalité. En septembre 46, c'est un bateau français qui vient le secourir. Au moment de quitter l'Écosse pour le continent, il lance à ses fidèles qui sont là encore « Je serai de retour pour vous délivrer !» Puis il monte sur ce navire, on lève l'ancre, la côte écossaise s'éloigne. L'aventure n'aura duré qu'un peu plus d'un an. Le voilà de retour à Paris, notre héros, dont la réputation l'a certes précédé. Il va être reçu à Versailles par Louis XV. Il devient l'attraction de la saison dans le beau monde. Il n'y a plus une soirée à l'opéra sans qu'on essaie de le distinguer dans la foule brillante. Le prince se fait remarquer par ses frasques amoureuses, il faut le dire. Il sait que l'espoir de retourner outre-Manche est très réduit. Il est mécontent que son frère Henri soit devenu cardinal à Rome, parce que ça renforce l'identité catholique des Stuart. Évidemment, ça n'arrange pas ses ambitions anglaises. La situation vraiment devient très fragile pour lui. En 48, la paix européenne n'est pas une bonne nouvelle pour lui, puisque la France est pressée par les Anglais d'exclure Charles-Édouard de son territoire. Alors, il essaie de résister comme il peut. Une partie de l'opinion prend fait et cause pour lui. Mais que voulez-vous ? À la fin de 48, alors que justement il se rend à l'opéra, il est arrêté en pleine rue et il comprend l'avertissement. Il choisit lui-même de partir pour l'étranger. C'est le début de ce qu'on pourrait appeler une descente aux enfers, une sorte de longue errance à travers l'Europe. On le voit en Avignon, en Lorraine, aux Pays-Bas. Il n'hésite pas de temps à autre à verser dans la provocation. Il ose même en 1750 prendre le risque d'un séjour à Londres. Vous imaginez cette histoire. À cette occasion, d'ailleurs, il va se convertir à la religion anglicane, puis reviendra ensuite sur sa conversion. Bref, tout ça indigne sa famille, bien entendu. Les relations sont de plus en plus compliquées avec la famille. Et un peu plus tard, il retrouve une vieille connaissance, la fameuse Clémentine. Vous savez, Clémentine Walkinshaw, avec qui il avait eu cette liaison. Voilà. Elle lui donne une fille. Elle finit par le quitter. Il faut dire que le prince, là, vraiment, est devenu un alcoolique invétéré. Ce qui altère quand même pas mal son charme et qui aggrave ses tendances aux crises. Il est très caractériel. Ça va aussi lui coûter ce qui lui restait de ses rêves. En 1759, là, alors on est maintenant dans l'autre guerre, la guerre de 7 ans, renversement des alliances en Europe, etc. Le ministre Choiseul le convie pour parler d'une éventuelle expédition contre l'Angleterre. Charles-Édouard arrive complètement sous à Versailles, vous imaginez ça. Il embrasse tout le monde, il est là devant Choiseul, titubant, c'est assez horrible. Il n'a même pas 40 ans quand même, vous imaginez, sa vie est derrière lui. Et à la mort de son père, à la mort de Jacques III en 1766, Charles-Édouard devient virtuellement le roi Charles III d'Angleterre. En tout cas, c'est comme ça que lui voudrait se présenter. Seulement, à ce moment-là, disons-le, il n'y a plus grand monde pour croire à cette titulature. Même le pape la lui refuse. Bonnie, Prince Charlie, a été d'une certaine manière chassé de l'histoire. Il reste dans la légende. Bonjour Nathalie Genet-Roufiac. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous les connaissez bien, ces Jacobites. Je vous ai vu tout à l'heure froncer les sourcils quand je disais qu'ils étaient nettement moins nombreux et efficaces en Angleterre qu'en Écosse. Il y en avait en Angleterre aussi, bien sûr. Oui, en fait, la question, c'est de savoir ce que l'on appelle les jacobites. Alors, le mot lui-même, évidemment, vient de la formule latine Jacobus, du mot Jacques II. Donc, évidemment, les jacobites, c'est d'abord les partisans du roi Jacques II. Il y a deux types de jacobites. Vous avez les jacobites qui ont choisi de suivre Jacques II en exil. Et pour le coup, il est certain que tous les exilés, toute la diaspora, qu'elle soit irlandaise, écossaise ou anglaise, est jacobite. Mais ce qu'on a oublié et ce que l'historiographie anglaise a souvent voulu passer sous silence, c'est à quel point une très grande partie de la population anglaise, écossaise et irlandaise est restée profondamment attachée à la dynastie Stuart. Ce qui veut dire que, fondamentalement, plus mais, de... Mais les Hanovres étaient considérés comme des étrangers, quand même, par une partie de la population. Guillaume d'Orange déjà l'était. Mais déjà, Guillaume. Les Hanovres encore plus. En plus oui. Donc, si on parle des jacobites comme étant ceux qui auraient préféré avoir les Stuarts légitimes sur le trône, il est probable que la majorité de la population, y compris en Angleterre, aurait préféré cette situation. Alors, en revanche, là à prendre les armes pour Charlie, ça c'est voilà. Une autre histoire. En revanche, la question est si on considère comme jacobites les gens qui sont prêts à prendre les armes pour défendre les droits des Stuarts, évidemment le nombre tombe de manière assez brutale. Oui, et, là, et dans le récit tel que l'a conçu Pierre-Louis Lancel, l'idée c'était les jacobites militants et actifs en fait, donc les soldats d'une certaine manière. Ceux-là sont peu nombreux en Angleterre par définition, puisque... En Angleterre, le cœur du jacobitisme est politique, voilà. Plus que militaire. Ouais. Et l'histoire du Parlement a montré depuis une trentaine d'années que la plupart des membres du Parlement sont en fait très largement engagés dans des correspondances avec la cour en exil. Donc il y a bien un lien avec le jacobitisme. En revanche, la version militaire, en Irlande, elle prend la forme des régiments irlandais sur le continent, et en Écosse, elle va prendre la forme des rébellions et des soulèvements dont 1745 est évidemment l'illustration la plus marquante. Est-ce que vous pensez qu'un débarquement français aurait été possible l'année d'avant ? Est-ce que cette grande opération à laquelle s'accrochait notre héros du jour était réaliste ? C'était possible ? Elle était possible, mais elle se heurte à deux choses. Une chose qui sera de toute façon fondamentalement l'obstacle principal de toutes les expéditions, qui est que pour réussir, une expédition jacobite doit réussir à combiner un soulèvement intérieur et une expédition avec des forces venues de l'extérieur. Même de nos jours, les militaires vous diraient que c'est une combinaison particulièrement difficile à réaliser. Donc, même en 1744, l'idée d'obtenir le soulèvement soit juste avant le débarquement, soit juste après, et de toute façon quelque chose de très difficile à organiser. Mais le deuxième aspect qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est que à cette période-là, l'Angleterre dispose d'une arme de protection extraordinairement efficace qui est la Royal Navy. On met souvent en avant le fait que le mauvais temps a joué régulièrement aux Stuarts des tours et a empêché une bonne partie de ses expéditions, mais c'est aussi parce que la capacité de maintenir le blocus des côtes anglaises a souvent amené les Stuarts à devoir prendre des risques et à se confronter à des temps et des périodes difficiles parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils échappent à la Royal Navy. Donc, le principal obstacle de 1744, c'est la Royal Navy. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Bonnie Prince Charlie, Charles Edward Stuart, héros de l'Écosse cet après-midi sur Europe 1. Et nous allons plus loin, nous apprenons à découvrir cet homme avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Nathalie Jeunet-Rouffiac, elle est conservateur générale du patrimoine au ministère des Armées. Elle travaille depuis près de 30 ans sur l'histoire du jacobitisme, en particulier sur l'exil jacobite en Europe. Et elle est l'auteur du Grand Exil, les Jacobites en France, 1688-1715, publié par le service historique de la Défense. Au moment où naît notre personnage, notre Charles-Édouard, il naît d'ailleurs à Rome, ça ne s'invente pas, on peut dire que la cause est quand même très mal en point. Oui, la cause jacobite va, à partir de la glorieuse révolution de 1689, la cause jacobite subit des revers, qu'ils soient politiques ou militaires. Le plus frappant d'entre eux étant évidemment en 1713, l'obligation pour Jacques-Édouard, le fils de Jacques II, celui qu'on appelle le vieux prétendant, de quitter la France. Il va d'abord se réfugier en Lorraine, puis à Avignon, et c'est enfin à Rome que la cour jacobite et les prétendants jacobites vont trouver un exil et un accueil. d'accueil de la part des autorités vaticanes. Pontificales, oui. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même bel et bien identifiés comme des souverains catholiques et comme des fers de lance du catholicisme. C'est un aspect important de cette affaire. C'est ce qui a été le principal obstacle au retour politique des Stuarts sur le trône. Jacques de lui-même a été chassé de son trône essentiellement à cause de sa politique, que maintenant, dans nos termes contemporains, on appellerait une politique de tolérance religieuse, mais qui à l'époque est perçue par ses contemporains britanniques et surtout anglais comme étant une politique pro-catholique. Jacques-Édouard refuse de se convertir et toute la négociation politique dans les années 1710 et peut-être la bonne volonté de sa sœur Anne à envisager, parce qu'elle n'a pas d'enfant, que son demi-frère puisse lui succéder, va se heurter à cette question du catholicisme. Et Charles-Édouard lui-même en sera conscient, puisqu'on voit qu'il a à un moment donné à Londres envisagé de se convertir au protestantisme. Oui, voilà. Envisagé seulement ? Alors, il s'est converti, mais il est rapidement revenu. Voilà, c'est ça, en fait. Mais il a quand même franchi le pas, incontestablement. Oui, il a franchi le pas. Il n'y a aucun doute qu'à un moment donné, il a effectivement rallié l'église anglicane. Alors, avant cela, quelle a été sa formation ? Comment explique-t-on qu'il soit devenu cette espèce de héros militaire, d'une certaine manière ? Son père était un homme beaucoup plus rangé, incontestablement. La cour Stuart en exil a toujours été un lieu de présence des officiers militaires et notamment des officiers des régiments irlandais. Et puis que les Stuart eux-mêmes comprennent quelques grandes figures militaires, si ce n'est pas le cas de Jacques-Édouard. Bien sûr, oui. Jacques de lui-même a été formé par Turenne sur les théâtres continentaux et il a été un des grands facteurs du relèvement de la Navy anglaise avant même d'arriver sur le trône. Jacques-Édouard n'est pas un combattant, c'est certains, mais en revanche son demi-frère, le duc de Berry, qui est un enfant illégitime de Jacques II, est un des plus grands généraux de l'armée française, puis et même on peut le dire du continent. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que bon sang ne saurait mentir en fait. Il avait en lui ces gènes-là. Berry qui est le fils de Marlborough. Marlborough est aussi un proche des Stuarts, même s'il n'a jamais lui franchi le pas d'un ralliement officiel à la cause jacobite. Donc ils vivent dans un milieu où la culture militaire est très présente. Alors, ce jeune homme est convaincu qu'il va pouvoir récupérer non pas seulement l'Écosse, c'est ce qu'il faut bien dire, mais l'ensemble de ses couronnes. Il veut les trois couronnes, en fait. C'est ça, hein, son ambition, ça, sa volonté. Alors, depuis 1603, lorsque les premiers Stuarts accèdent au trône d'Angleterre, il est à la fois roi d'Angleterre, roi d'Écosse et roi d'Irlande, puisque à ce moment-là, chacun des royaumes constitue une entité politique indépendante, et il y aura en fait un parlement écossais indépendant jusqu'à l'acte d'union de 1707. Dans l'esprit des Stuarts, l'acte d'union, qui a évidemment été pris après que Jacques II ait été contraint à l'exil, n'est pas légal, et donc ils sont restés dans la configuration où ils souhaitent devenir à la fois roi d'Écosse, roi d'Irlande et roi d'Angleterre. Mais ce qui veut dire qu'ils veulent à la fois être roi d'Écosse, roi d'Angleterre et roi d'Irlande et qu'ils ne souhaitent pas renoncer à aucune de ces couronnes. Ce qui est probablement ce qui amènera à l'affrontement et à la scission entre Charles-Édouard et ses partisans écossais au moment où la question d'aller jusqu'à Londres se pose et où les Écossais et le prétendant se retrouvent ne pas avoir la même vision et la même ambition. Alors les événements de 1744-45 ont laissé un souvenir très fort et très vif, y compris de ce côté-ci de la Manche. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a eu avant des tentatives de débarquement. Hein. Ça, il faut revenir peut-être là-dessus. Alors l'Écosse a été d'ailleurs le premier lieu d'une rébellion pour soutenir Jacques II, avec une autre des grandes figures héroïques de l'histoire écossaise, qui encore un Bonnie, qui est Bonnie Dundee, James Graham de Claverhouse, qui va remporter une des plus grandes victoires jacobites à Killiecrankie le 27 juillet 1689, voilà, mais qui va mourir sur le champ de bataille, et sa mort, malgré la victoire jacobite, va entraîner la disparition de la rébellion écossaise. Ensuite, la période suivante est plutôt une période consacrée à des négociations politiques, et puis évidemment à la guerre d'Irlande. Donc c'est sur le théâtre irlandais que la guerre est portée. L'Écosse ne revient qu'avec Jacques-Édouard au moment de l'expédition de 1708, qui est probablement de toute toutes les expéditions jacobites en Écosse, celle qui a été la plus proche de réussir et qui se présentait dans les meilleures configurations, avec un soutien français extrêmement marqué et des troupes très importantes. En pleine guerre de succession d'Espagne. Malgré tout, James Edward, qui n'est pas, on l'a dit, une grande figure militaire, va montrer les mêmes faiblesses que son père face à l'adversité et au stress, puisqu'il tombe malade. Par ailleurs, la météo difficile empêche d'embarquer et va surtout l'empêcher d'arriver au point de contact prévu avec les Écossais, ce qui fait qu'il ne pourra même pas débarquer. Le comte de Forbin, qui dirige l'escadre française, prenant la décision de le ramener, alors même que Jacques-Édouard supplie qu'on le laisse même seul sur les côtes écossaises. Ensuite, c'est en 1715 que se produit l'expédition suivante et la rébellion suivante, qui n'est pas à proprement parler une rébellion purement écossaise, puisque l'idée de départ, c'est de combiner trois mouvements. Une rébellion en Angleterre, dans le sud-ouest dans l'Angleterre, une rébellion sur la frontière anglo-écossaise et une rébellion dans les Highlands, qui sont évidemment le cœur de la culture jacobite. La rébellion dans le sud-ouest va avorter. La rébellion sur la frontière va rapidement se transformer en un désastre militaire autant qu'un désastre politique. Et c'est finalement l'Écosse, les Highlands, qui seront vraiment le cœur de ce qu'on a appelé le 15. Et jusqu'à la confrontation de la bataille de Sheriff Moore en novembre, et de nouveau la défaite. La défaite qui est une défaite non pas du Stuart lui-même, puisque Jacques-Édouard arrive après les défaites jacobites sur le sol écossais, et qu'il ne peut que tirer le constat. Il constate le désastre, en fait. Ne peut que tirer le constat qu'il est trop tard, et après à peine un mois sur le sol écossais, et sans avoir lui-même dirigé aucun combat, il rentre sur le continent. Et l'Écosse ne connaît plus à ce moment-là de tentative d'expédition par la France pendant au moins 30 ans. Il y a bien deux tentatives, malgré tout, dans lesquelles la France n'est pas aussi fortement impliquée. Une en 1719 avec un projet d'invasion par l'Espagne, même si c'est Elisabeth Farnèse qui est derrière le projet et qui, une fois encore, va échouer. Jacques-Édouard n'arrivant d'ailleurs même pas à atteindre l'Écosse, puisqu'il va mettre plus d'un mois à même rallier simplement l'Espagne. Et puis une tentative en 1717 avec un projet suédois que portait le duc de Berwick et qui, là encore, va avorter. Donc c'est une volonté permanente, c'est une très grande ténacité dont font preuve les Stuarts, et c'est très important de raconter tout ça parce que ça nous permet de comprendre que le fameux Bonnie Prince Charlie s'inscrit dans une continuité, bien entendu, dans une reprise d'événements, et qu'il n'a pas inventé tout seul l'ambition d'aller reprendre ses couronnes. C'est-à-dire que c'est une ambition qui a été partagée, développée avec un grand nombre d'opérations qui toutes se sont soldées par des échecs. Alors, l'échec suprême, c'est celui de Culloden, c'est celui de 1745. On va y revenir dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'Écosse. Aujourd'hui, nous suivons Bonnie Prince Charlie, Charles-Édouard Stuart, avec votre invitée Nathalie Genet-Rouffia, qui est conservateur général du patrimoine au ministère des Armées et qui travaille depuis plus de 30 ans sur l'histoire du jacobitisme. Et je me rappelle, il y a pas mal de gens qui se passionnent pour cette affaire. Mmh. Et il y a quelques années, dans un dîner à Versailles, j'ai rencontré un auteur qui était complètement investi, si je puis dire, dans cette affaire de Bonnie Prince Charlie, qui était passionné par le personnage et qui va très bientôt, c'est demain d'ailleurs, demain à 19h, à l'hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye, donner une conférence sur Bonnie Prince Charlie. Il s'appelle Thomas Drelon. Bonjour Thomas Drelon. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup de nous prendre au téléphone, si je puis dire. Vous allez vanter les mérites de Bonnie Prince Charlie ou accuser ses ridicules demain? Ah mon Dieu, c'est un peu des deux. C'est un personnage qui est très contrasté. Donc il y a une partie héroïque et une partie assez tragique chez Bonnie Prince Charlie. Donc j'ai essayé d'être assez impartial et présenter le personnage à la fois dans son héroïsme et dans toute la dimension tragique, toute l'inscription l'archétype de ce féodalisme crépusculaire. Mais en fait, vous le présentez, si je puis dire, dans votre ouvrage et dans vos conférences, comme une sorte de héros pré-romantique, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, c'est un héros très romantique. Ça peut paraître une formule, mais il y a quelque chose d'un absolu romantique dans son absolutisme régalien. Il y a une forme d'idéalisme, un peu une des souffrances à la jeune Werther dans Bonnet Plein de Survie, et surtout cette dimension, moi ce qui m'a fasciné dans le mythe de Bonnet Plein de Survie, c'est la dimension orphique du personnage, c'est toute cette littérature musicale, en fait, qui a suivi, enfin, qui a même... Quand vous dites orphique, vous voulez dire qu'il a suscité beaucoup d'œuvres et de... Beaucoup d'œuvres, beaucoup de musique, en fait. Il y a beaucoup de chansons, en fait. C'est un personnage très populaire qui incarne à la fois quelque chose de très shakespearien, ce vieux droit régalien qui a aucune espèce d'humour sur le droit de succession. Et en même temps, ce côté très populaire, c'est quelque chose qui est très neuf pour nous, français. Pas très, très peu français. Il est très peu connu en France, alors qu'effectivement, c'est un véritable héros en Écosse. J'ai pu le constater il y a encore très peu de temps, là. Oui, c'est une figure très populaire en Écosse. Il est très, il reste une forme d'incarnation de l'Écosse libre, en quelque sorte, même si le jacobitisme, c'est un mouvement politique très complexe et il n'avait plus que l'Écosse. Les Stuarts étaient rois de Grande-Bretagne, il n'était plus roi que d'Écosse initialement. Mais il y a quelque chose de très, effectivement, il est très, très, les Écossais l'aiment beaucoup, et ne serait-ce qu'on voit la série, le succès de la série Outlander, on ne peut pas parler voilà, de ça. Voilà, c'est ça, c'est la série à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, j'avais oublié le titre pour tout vous dire, Outlander, c'est ça exactement. Voilà. Merci beaucoup Thomas Drelon. Je vous interromps un peu, mais nous avons un petit souci technique avec votre ligne téléphonique. En tout cas, votre conférence aura lieu demain, jeudi, à la salle multimédia de l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, à Vio, aux amateurs et aux amoureux de Bonnie Prince Charlie, petit-fils de Jacques de Stuart. C'est étonnant de voir à quel point ce personnage conserve son actualité, si je puis dire, Nathalie Genet-Rouffiac. En partie par le biais d'une reconstruction historique. Alors voilà, je vous voyais venir. Il est certain qu'il est plus que romantique, je dirais qu'il est romanesque, mais qu'il y a derrière une adéquation dans l'esprit de la plupart des Écossais entre l'idée d'une Écosse libre et l'idée de la présence de Bonnie Prince Charlie. On sait que l'expédition de 1708 et celle de 1715 avaient été déjà liées à cette question de l'indépendance écossaise. Mais à travers le 19e siècle et jusqu'à nos jours, la figure de Bonnie Prince Charlie est posée comme étant la figure de l'Écosse libre, voilà. Avec en plus derrière l'image des Highlands, eux-mêmes considérés comme étant le symbole de la liberté écossaise. Alors c'est évidemment une reconstruction, une réduction historique. D'abord, et parce qu'on oublie que les Highlands n'étaient pas tous, et les clans n'étaient pas tous jacobites, et que certains des plus grands clans écossais, notamment le clan Campbell, étaient pro-hanovriens et anti-jacobites. Mais ça, c'est un énorme bémol, il faut bien le souligner, c'est certain. Dans l'actualité, dans les événements actuels en Écosse, avec ces grandes interrogations des Écossais quant au fameux Brexit, quant à leur alliance avec l'Angleterre, etc., on comprend qu'une figure comme Bonnie Prince Charlie reprenne de la vigueur, en fait. Il devient une sorte de symbole d'autonomie, de résistance même, disons les choses. Oui, tout à fait. Avec en plus la chance, en termes historiographiques et pas historiques, d'avoir disparu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à l'heure actuelle, si l'Écosse devait devenir indépendante, elle le deviendrait sous la forme d'une république. Et par conséquent, le fait de ne pas avoir de descendants légitimes Stuart... C'est bien pratique. Voilà, exactement. Et puis, il ne faut pas nier une dimension qui est une dimension extrêmement concrète et pragmatique, qui est le développement d'un tourisme de mémoire, ce que nous appellerions un tourisme de mémoire en Écosse, parce que vous disiez que le nom de Bonnie Prince Charlie est peu connu des Français. En revanche, sa figure et son visage sont bien connus, puisque tous ceux qui achètent des boîtes de biscuits écossais voient en général sa figure. Il est presque toujours représenté sur les produits tout écossais. À fait. Hein, oui. Donc il est devenu l'âme emblématique de l'Écosse et les Écossais ont joué de cette récupération. Et nous allons aller tout à l'heure, dans un instant, sur ses traces en Écosse avec Lorena Martin. À Culloden, justement, un grand centre d'interprétation tout à fait remarquable, d'ailleurs, a été installé sur les lieux de la bataille. C'est une bataille qui a été absolument inégale. On a l'impression d'un affrontement de deux armées qui n'étaient pas du même siècle entre les troupes de Cumberland et celles des Stuarts. déjà, c'est une bataille qui partait presque perdue d'avance, dans la mesure où Charles-Édouard s'est mis dans une position où il a accumulé tous les éléments négatifs et les éléments qui fragilisaient sa position. Il a absolument voulu cette confrontation directe avec Cumberland, à la fois parce que militairement, le fait que l'argent français n'arrivait plus et qu'il ne pourrait plus entretenir ses troupes fait qu'il avait besoin de cette confrontation et d'un acte décisif. Et puis, il y a probablement un acte très symbolique. Vous parliez de l'affrontement des deux fils. Et à un moment donné, on voit que Charles-Édouard a l'impression qu'il doit à son destin et il doit cette confrontation directe. Donc, il fait marcher ses troupes de nuit pour arriver sur la position où Cumberland attend et a lui eu le temps de préparer ses troupes. Et donc, les Highlanders arrivent fatigués parce qu'il n'y a plus d'argent et parce que l'Écosse n'offre pas des capacités de survie faciles. Les Highlanders sont très fatigués donc les troupes sont fatiguées et il arrive dans une configuration de théâtre qui n'est absolument pas adaptée puisqu'il va choisir le Moor de Culloden qui est plus adapté à l'artillerie qui est le point fort des Hanovriens que à l'utilisation des charges des Highlanders qui avaient fait sa force jusque-là. C'est lui-même en position de faiblesse, là, d'une certaine manière. Tout à fait. C'est le désastre que l'on sait, c'est la chasse à l'homme, à tous les combattants, et puis bien sûr, lui-même est poursuivi. On a vu ensuite cette longue errance, cette chute dans l'alcoolisme, etc. Que va devenir, la famille Stuart, la cause des Stuart après Bonnie Prince Charlie? Il n'y a quasiment pas d'histoire des Stuart après Bonnie Prince Charlie lui-même. Après 1745, il va rentrer dans une grande errance. Il ne reviendra à Rome qu'après la mort de son père en 1766. Là encore, pour attendre une fin de plus en plus misérable, avec malgré tout une figure féminine auprès de lui, qui est sa fille, la princesse Charlotte, duchesse d'Albany, qui va rester avec lui jusqu'à la fin en 1788. Elle meurt dès l'année suivante et il ne reste plus à ce moment-là comme dernier Stuart que son frère et qui, en ayant choisi l'état ecclésiastique, a déjà renoncé à toute possibilité de succession dynastique. Donc lorsque le cardinal d'York s'éteint en 1807, la lignée, en tout cas légitime, des Stuart s'éteint. Mais reste le souvenir. Merci beaucoup Nathalie Genet-Roufiac. Je rappelle le titre de votre ouvrage chez Belin, Jacques II d'Angleterre, le roi qui voulut être saint. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Depuis 14 heures, nous sommes au cœur de l'histoire de Charles-Édouard Stuart, le héros de l'Écosse. Nous allons nous rendre sur place. Prenez de quoi noter, suivez le guide. Lorena Martin vous y emmène aujourd'hui. Alors, on peut peut-être commencer par le champ de bataille. Bonjour Lorena, oui, pardon. Bonjour, on peut commencer par le champ de bataille de Culloden. Oui, bien sûr, on peut fouler bien sûr le sol où s'est déroulée la bataille. Il faut imaginer un domaine immense, très verdoyant, mais aussi visiter le centre des visiteurs dont vous parliez à l'instant, où on plonge littéralement dans l'atmosphère de cette bataille. Et du c'est mapping, un centre, des projections, oui, c'est très spectaculaire. Très bien audio, fait, oui. Des films d'immersion, etc. Après, on peut aller se reposer à Culloden House. À Culloden House, c'est là que Bonnie Prince Charlie avait établi son quartier général sur le champ de bataille. Et c'est aujourd'hui devenu un hôtel champêtre assez luxueux, très charmant. Et c'est un manoir très élégant qui se situe à Inverness, la capitale bien sûr des Highlands. Et on peut y parcourir les bois, les jardins privés. Ce sont près de 40 fabriques, hectares. C'est magnifique. C'est, magnifique. C'est un très bel endroit. Alors, d'autres, des monuments. Le monument de Glenfinnan, par exemple. Qui est situé à l'extrémité du Loch Shiel dans les Highlands de l'Ouest. Le paysage de montagne est absolument sublime. C'est un monument qui date de 1815 c'est une immense statue de 18 mètres de haut qui représente un Highlander en kilt solitaire. Et bien sûr, cette statue a été érigée à la mémoire de ceux qui sont morts pour la cause de Bonnie Prince Charlie pendant le soulèvement de 1745. Et elle se situe à l'endroit même où le prince avait levé son étendard. Et puis on peut visiter Fort William, qui est très spectaculaire. Il y a des musées un peu partout. Des musées, enfin... on peut y voir notamment dans ce musée du West Highland, le masque mortuaire de Bonnie Prince, Charlie, ainsi que son épée, quelques-uns de ses vêtements, y compris son gilet en soie brodée et d'autres objets jacobites. Un petit côté presque fétichiste. On aurait pu aller dans l'île d'Eriskay, mais on n'aura pas le temps. C'est quand même l'île, il faut le dire, c'est bien sûr l'île où il a posé pour la première fois un pied sur ses terres. Et les paysages sont absolument spectaculaires. Il y a toute une série de promenades plus ou moins longues, avec même des pistes cyclables. Mais c'est tellement beau l'Écosse, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. D'ailleurs, tiens, le bouquin qu'on avait fait avec Stéphane Verne sur l'Écosse est en réédition en ce moment, il faut le savoir. Une très belle réédition souple au cœur de l'Écosse. Stéphane Verne et Franck Ferrand, c'est paru chez Flammarion et c'est un très beau voyage à travers les pages. Merci pour la publicité, chère Anis. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines aujourd'hui consacré à une expression, après nous le déluge. Bon, on sait que c'est Madame de Pompadour qui a dit ça, mais elle l'a dit quand et comment ? Alors, si l'on en croit en tout cas certaines mauvaises langues, Madame de Pompadour aurait dit ça au moment de la bataille de Rosbach, vous savez, où le roi de Prusse, Frédéric, nous avait littéralement écrasés. Le roi Louis XV était complètement déprimé. On est en novembre 1757, vous voyez que c'est tout à fait lié à nos affaires. Et Madame de Pompadour, à ce moment-là, va dire à Louis XV, il ne faut point s'affliger, sire, vous tomberiez malade, après nous le déluge. Et cette expression, après nous le déluge, elle vient d'un ouvrage de Pierre de Hont qui est paru en 1746, donc une dizaine d'années plus tôt, Les principales aventures de l'admirable Don Quichotte, où le héros déclare, fera les vignes qui pourra, après nous le déluge. Et c'était une expression qui était devenue assez populaire. Le père du révolutionnaire Mirabeau avait lui-même repris d'ailleurs l'expression dans son ouvrage L'ami des hommes, paru en 1756. Il écrit « Après moi le déluge, ce doux sociable proverbe est déjà le plus commun de tous parmi nous. » Louis XV, d'une façon plus générale, avait l'habitude de dire « Tout cela durera bien autant que nous. » On comprend pourquoi cette expression « Après nous le déluge » est devenue le symbole de l'espèce de défaitisme qui s'était emparé de la cour vers la fin du règne du bien-aimé. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.